l'armée qui, au nom du peuple, a renversé le 19 novembre 1968 le régime de pouvoir personnel de Modibo Keïta, a accompli cette mission historique pour restaurer en République du Mali la légalité, la justice et le respect de la dignité de chaque citoyen. Nous avons agi ainsi en plein accord avec notre conscience de citoyens et de soldats, car le régime de Modibo Keïta n'avait plus de fondement légal et nous étions profondément convaincus qu'il ne pouvait plus assurer le bonheur du peuple malien. En effet, Modibo Keïta et son équipe dirigeante, en refusant obstinément de convoquer le 7e congrès de l'Union soudanaise RDA, en dissolvant par un acte arbitraire le bureau politique national issu du 6e congrès et en lui substituant un comité national de défense de la révolution non prévu par les statuts du parti, se sont délibérément placés au-dessus du parti qui constituait pourtant la source de leur pouvoir. Par ailleurs, Modibo Keïta, en dissolvant illégalement l'Assemblée nationale et en substituant à cette institution nationale une délégation législative de son choix, a violé à la fois la Constitution et la souveraineté du peuple, transformant ainsi le pouvoir démocratique en un système autocratique. D'autre part, l'équipe de Modibo Keïta, en instituant la milice populaire, en l'installant pratiquement et insolemment dans les fonctions et attributions des services de sécurité et même de la justice, au mépris des observations de la population, a inscrit dès lors son action à l'opposé des légitimes aspirations du peuple. En avril 1974, à Niamey, c'est au tour du colonel Seyni Kounché d'adresser à son peuple le message suivant.